La fiancée mexicaine par Louis Bousnard. Deuxième partie, Le trésor des rois aztèques, chapitre 1er. La hacienda del Refugio semble renaître de ses cendres. De tous côtés, on rebâtit, on nettoie, on ensemence. Un travail régénérateur s'opère. Non pas avec cette énervante lenteur des pays chauds, mais vivement, rondement, à l'américaine. On sent qu'il y a là une volonté énergique, une direction méthodique appliquée par un homme, un de ces puissants organisateurs dont on dit à première vue « c'est quelqu'un ». Et ce quelqu'un, c'est Mr. Harry Jones, le fils du roi du coton, l'américain milliardaire. Comme s'il avait besoin de gagner sa vie en travaillant au jour le jour, le jeune homme va et vient d'un chantier à l'autre, examine, cherche, combine, ordonne, calcule, et souvent, dans un à-coup, met la main à la pâte tel qu'un simple manœuvre. Ah, ce n'est pas un de ces jeunes inutiles, si drôlement dénommés aujourd'hui, fils à papa, de ces bizarres produits de notre société actuelle, et dont l'unique fonction dans la vie consiste à étaler toutes les futilités, tous les ridicules et les extravagances. Harry Jones n'a rien d'un snob. Fils unique, idolâtré par son père, il pourrait satisfaire les fantaisies les plus coûteuses, réaliser les désirs les plus exorbitants, étaler le faste d'un nabab, car ces rois de l'industrie ou de la finance ont des revenus devant lesquels font piètre mine les listes civiles de souverains illustres. Il n'a pas la moindre envie d'étonner le monde. Son unique pensée est de conquérir cette belle Juana qui a produit sur son âme cette impression foudroyante et décidée de sa vie. Or, Juana aime cette hacienda où elle est née, où elle a fait ses premiers pas, ébauché son premier sourire et où s'est épanouie sa radieuse beauté. Elle préfère la rusticité grandiose de cette demeure à demi sauvage, aux splendeurs d'un palais édifié dans une ville, et voudrait revoir debout sa chère hacienda. Ce désir est un ordre pour Harry. Homme de décision et d'action, il veut faire surgir de ces ruines calcinées, de ces bosquets dévastés, de ces plantations ravagées, un véritable Éden tropical. Il s'est mis en besogne, et les résultats sont dès le début magnifiques, malgré la pénurie relative des hommes et des choses. Certes, Harry pourrait improviser une merveille en opérant un grand coup de dollars. La féerie de l'or est irrésistible. Mais il aime mieux procéder par lui-même, user des ressources locales, bâtir de ses mains ce qu'il croit et espère être son nid, et y mettre ainsi un peu de son âme. Et cette pensée vraiment délicate qui transparaît dans tous ses actes n'échappe pas à la jeune fille. Endolorie par le refus brutal de son père de l'unir à Jean de Fer et le départ furieux de ce dernier, elle s'est repliée sur elle-même et vit silencieuse avec ses chers et douloureux souvenirs. Et cela produit une diversion au chagrin qui l'obsède. De jour en jour, elle découvre et apprécie la droiture du caractère de Harry, la loyauté de ses sentiments, l'équité de ses actes, et jusqu'à cette bonté un peu rude qui émane de sa personne. Aussi, reconnaissant de tout ce qu'il s'ingénie à faire pour lui être agréable et prévenir ses moindres désirs, elle lui témoigne une franche camaraderie, une amitié sincère, sur la nature de laquelle se trompent à la fois ses parents et le jeune homme. Certes, Juana comprend le mobile très noble de ses efforts, et elle en est profondément touchée, mais elle n'est pas de celles qui se reprennent, et son cœur appartient pour la vie à Jean de Fer. Elle aura pour Harry Jones l'affection dévouée d'une amie, et elle pourra même l'aimer comme une sœur. Mais un autre sentiment ne fera jamais vibrer pour lui son âme. Elle voudrait le détromper, l'arrêter d'un mot sur ce chemin fleuri où vont surgir les épines. Ce mot, elle n'ose pas le prononcer. Sa pudeur recule devant un entretien décisif qui laisserait pressentir l'inviolable secret de son cœur. Lui, se méprenant de plus en plus sur l'essence même de cette sympathie, continue d'entourer la jeune fille d'une tendresse à la fois virile et respectueuse, espérant que l'avenir comblera ses plus chères espérances. Heureux d'avoir ainsi orienté sa vie, il s'emploie à toutes les besognes, dépense en multiples travaux l'activité qui bouillonne en lui, sans même soupçonner que de nouvelles catastrophes puissent s'abattre sur lui, sur eux tous. Cependant, des symptômes alarmants se manifestent depuis quelques jours parmi les blancs qui travaillent avec lui à la réflexion de la hacienda. Ils sont une cinquantaine et s'emploient activement avec les Indiens Mansos, dont la majeure partie, après la sinistre équipée, est rentrée dans le devoir. Tous ces blancs sont des colosses d'une vigueur d'athlète et d'une magnifique endurance. tour à tour bûcherons, manœuvres, charpentiers, maçons ou forgerons, ils n'ont jamais connu la fatigue. Et bien maintenant, sans cause apparente, leur santé s'altère avec une rapidité inconcevable, pendant que celle des Indiens se maintient absolument intacte. Et Harry s'alarme d'autant plus que le mal prend d'un seul coup des proportions effrayantes. Un mois s'est écoulé depuis la nuit terrible où le jeune homme, conduit par Jean de Fer, délivra la hacienda, et Don Blas voudrait commémorer cet anniversaire en invitant tout le personnel à une grande fête de famille. Les préparatifs sont achevés. Un déjeuner monstre va réunir tous les hommes valides et apporter une distraction salutaire parmi les malades. Le soleil est levé depuis une demi-heure à peine. Déjà, en bon chef, Harry revient de visiter son monde. Don Blas l'aperçoit, marchant nerveusement, tout pâle et pressant une catastrophe. La Sendero lui serre affectueusement la main et très inquiet lui dit d'une voix tremblante « Eh bien, mon ami, quoi de nouveau? Vous semblez cruellement affligé. » « Ah, seigneur, je suis désespéré. 5 de nos malades sont morts cette nuit. Ce matin, leurs camarades, les croyant endormis, leur ont parlé. N'ayant pas de réponse, ils les ont touchés, ils les ont trouvés rigides et froids, comme des marbres. Mais c'est affreux. Mais c'est affreux. Ce n'est pas tout, hélas. J'en ai 10 de malades, n'est-ce pas? Et devant cette mort inattendue, je me dis, les reverrai-je demain? Eh bien, 12 autres ont été frappés il y a quelques heures. Les meilleurs entre les bons, les vaillants entre les forts. Je viens de les trouver faibles comme des enfants, incapables d'énergie et de volonté. Eux, les travailleurs infatigables, les chasseurs intrépides, les dompteurs de chevaux sauvages. Plus de la moitié de mon personnel, mes compagnons d'aventure et de labeur, des amis, seigneur Don Blas. » Et le jeune homme, proférant ces mots d'une voix brisée, a dans les yeux de grosses larmes qu'il ne peut retenir. « C'est effrayant, » répond la Sendero en pâlissant à son tour. « Et les symptômes sont toujours les mêmes, n'est-ce pas, cher ami ?»« Toujours, seigneur. » Au début, cela ne semble pas avoir une grande importance. L'homme se sent là, ses membres lui pèsent comme du plomb, il ne souffre pas et n'éprouve qu'un seul désir, rester couché. Il s'alite en effet et songe que c'est un peu de courbature. Mais le lendemain, il ne se lève pas, sa faiblesse augmente et il perd complètement l'appétit. Tout ressort paraît brisé en lui. Il reste indolent, sans mouvement, sans volonté, presque sans pensée. 3 jours se passent et le malade a un brusque saignement de nez. Alors seulement, il est pris d'une violente douleur dans les reins. Sa peau devient d'une pâleur affreuse, ses paupières gonflent, ses yeux jaunissent. Il devient plus faible encore, traîne 2 jours et doucement s'éteint, sans souffrance ni convulsion, et dans un état d'inconscience complète. Vous savez que nos Indiennes connaissent admirablement toutes les maladies locales et les soignent aussi bien, sinon mieux, que les médecins. Elles ont vu mes malades, et leurs drogues aussi bien que leurs momeries ont été sans résultat. Songez donc, des potions quelconques dans lesquelles on peut tremper un grillon attaché par la patte à un fil. Oh, mes pauvres compagnons! Il aurait fallu faire venir un médecin. J'ai envoyé il y a 3 jours un express au télégraphe à Rénoval, avec mission de demander coûte que coûte le médecin de Frenillo, et j'attends son retour avec une angoisse affreuse. À ce moment, un galop rapide se fait entendre. Si c'était lui, s'écrie Harry, dont le rude visage s'illumine d'espoir. 2 cavaliers arrivent à toute bride sur leurs chevaux blancs d'écume. L'un est le messager, l'autre est un jeune homme vêtu d'un élégant costume de voyage et portant une valise en porte-manteau. Les chevaux s'arrêtent brusquement. Les cavaliers sautent à terre et l'inconnu, saluant, dit sans préambule « Je suis le docteur Henriquez. Et qu'y a-t-il, messieurs, pour votre service ?»« Ah, soyez le bienvenu !» s'écria Harry en lui serrant énergiquement la main. « Goodbye ! Vous êtes un homme et j'aurai une joie profonde à vous récompenser royalement. Nous parlerons de cela plus tard, seigneur. D'abord et avant tout, vos malades. Et quoi? Sans une minute de repos, sans rien prendre après cette course furieuse? Plus tard, vite, près de ceux qui souffrent. Et qui meurent, hélas! Harry et Don Blas le conduisent à une vaste case transformée en infirmerie où agonisent les malheureux Américains. Ils les examinent attentivement, hochent la tête, pincent les lèvres et disent simplement « Messieurs, cela suffit pour l'instant. Je les reverrai ce soir. Je vais leur préparer une potion dans de l'eau que leurs camarades valides puiseront eux-mêmes et sans aucun secours étranger. En outre, je conseille formellement à tous les Blancs, malades ou non, de ne rien accepter de la main des indigènes en tant que boisson ou aliment. Enfin, je vous prie d'interdire aux Indiens et aux Métis l'approche de cette case ou de votre habitation. À présent, sortons, messieurs. » Dès qu'ils sont éloignés, Don Blas demande, anxieux, « Que craignez-vous donc, docteur ? » ?»« Avez-vous des ennemis ?»« Oui, des ennemis acharnés. » »« Êtes-vous sûr de votre personnel indigène ?» Hélas, qui peut compter sur la fidélité indienne ? Eh bien, à vous parler franchement, je crois que vos hommes sont empoisonnés. Empoisonnés ? Ah, malédiction sur les lâches qui assassinent ainsi ces pauvres gens. Vous êtes sûr, docteur ? Non, je viens de dire je crois, sans pouvoir me prononcer avec certitude. Il y a en effet des symptômes contradictoires, du moins en apparence, et qui me déconcertent. Est-ce une épidémie ? Est-ce un empoisonnement ? Il m'est bien difficile de conclure. Aussi, par raison et surtout par prudence, je préfère admettre la seconde hypothèse. Mais alors, quelle drogue infâme ces misérables ont-ils pu employer ? Je croirais volontiers que c'est une décoction de la racine du barbadinier, une plante inconnue probablement ici, mais qui croît en abondance dans les terres basses des régions chaudes. Il y a du moins un contrepoison. Oui, je vais essayer. Chercher dans le voisinage. Le groupe se dirigeait vers l'habitation. Tout en marchant, le docteur, par habitude professionnelle de botaniste, regardait les plantes qui avaient envahi les allées depuis la révolte. Un cri de joie lui échappe à la vue de buissons nains, à feuilles aiguës et couverts de fleurettes blanches. « Ah, par exemple, voilà qui est joué de bonne heure, » dit-il tout joyeux. « C'est broussailles. Eh bien, c'est la pétibère aliacée, le meilleur spécifique, à mon avis, contre le poison extrait de la barbadine. »« Quelle chance !» s'écria Harry, rayonnant. « Et moi qui devais de jour en jour les faire arracher ?» Sans plus tarder, ils se mettent à recueillir le plus qu'ils peuvent de feuilles à la violente odeur d'ail. Puis, Harry court chercher de l'eau, en rudoyant un Indien qui lui offre ses services, avec un empressement devenu tout à coup suspect. Le docteur, toujours infatigable, dose à poignée les feuilles et les fait bouillir, en compagnie de Don Blas et du jeune homme revenu en toute hâte. Au bout de 20 minutes, la décoction est prête, tous trois retournent aux malades et littéralement les gorges du remède sauveur. Alors seulement le médecin, harassé, se laisse tomber sur un divan et s'endort d'un sommeil de plomb en disant « Surtout, faites bonne garde. » « N'ayez crainte, » répond Harry. « Deux hommes veillent, le Winchester chargé. » De 2 heures en 2 heures, l'absorption continue. Le soir, en s'éveillant, le docteur trouve ses malades infiniment mieux. Tout heureux, il s'écrie « Si la malchance ne s'en mêle pas, s'il ne survient point d'incident imprévu, je crois qu'on peut les considérer comme sauvés. » Une partie de la nuit se passe dans le plus grand calme. Tout à coup, vers 1 heure du matin, on entend un grand cri, suivi d'une détonation. « Alerte ! Alerte !» Le cri et le coup de feu viennent du côté de l'infirmerie. En un clin d'œil, Don Blas, Harry, le docteur et tous les hommes valides sont debout. Ils s'arment à la hâte, quelques-uns se munissent de falots et chacun s'élance vers la case des malades. À 10 pas du Teco des Palmas, Harry bute dans un corps étendu. Il abaisse sa lanterne et voit un homme agonisant, la poitrine percée d'une balle. C'est un Indien, demi-nu, avec près de lui une cage en bambou finement treillissée. Un des hommes de veille s'avance, le Winchester encore fumant, et dit « Prenez garde, gentlemen. Il se passe là-dedans quelques diableries et je crois que ce rascal n'est pas seul. » Don Blas, au comble de la stupéfaction, s'écrie, en reconnaissant le moribond « Comment ?»« C'est Pablo, un des plus honnêtes et des plus fidèles parmi tous mes travailleurs. » Et Harry Jones riposte d'une voix pleine de rancune « Ce qui prouve, Seigneur, qu'il ne faut jamais se fier à ces gredins-là. Le pont rouge, voyez-vous, c'est pour nous l'ennemi héréditaire. »« Mais que diable renferme cette cage ?» reprend Don Blas en avançant la main. « Ne touchez pas, ne touchez pas !» s'écrie l'homme de garde. « Cela siffle là-dedans. »« Ma parole, on dirait une musique de serpent. » Des gémissements s'élèvent dans l'intérieur du bâtiment. Dans la paroi, au ras de terre, on aperçoit, béant, un trou perçant de clahunage formant la légère muraille. Ce trou est suffisant au passage d'un homme. « Quelqu'un est entré par là, » répond le factionnaire. « Et cependant, ni mon camarade et moi n'avons rien entendu. »« En avant, messieurs, en avant !» interrompt Don Blas. Il pénètre dans la case où règne une obscurité complète. Les veilleuses qui l'éclairaient auparavant ont été éteintes. Les lanternes projettent de tous côtés des lueurs aveuglantes. Alors, ces hommes intrépides, ces colons d'avant-garde, Ces rudes aventuriers laissent échapper un cri de terreur. Dans les raies de lumière s'agitent en frétillant des formes agiles qui rampent, se roulent, se tordent avec une surprenante mobilité. Des petits serpents d'un magnifique rouge corail, annelés d'ébène, se redressent en sifflant et dardent sur leur lueur leurs yeux froids de reptiles. Il y en a bien une douzaine, peut-être plus, on ne sait, dans le premier moment de stupeur. Des serpents corail, ah mon Dieu ! Balbutie Don Blas. Prenez garde, leur morsure, c'est la mort sans remède. Horreur ! Il en est deux qui s'agitent là, tout près de l'entrée, sur les premiers lits et tranchent en rouge vif sur la blancheur des draps. Béants, exorbités, les malades qui occupent ces lits râlent et semblent agoniser. Harry retire la baguette d'acier de son Winchester et s'avance intrépidement. Les serpents corail se dressent et poussent leur sifflement. On voit distinctement leurs yeux d'or clair s'injecter de rouge. Sans s'émouvoir, le jeune homme envoie la volée de coups rapides, cinglant comme des coups de cravache. Les deux monstres s'abattent, les reins brisés, sous les talons de Harry qui les écrase. Éveillés en sursaut par le coup de carabine, aveuglés par la lumière, les malades qui reposaient après l'absorption du contrepoison poussent des cris d'effroi. Le docteur leur crie d'une voix éclatante « Sur votre vie, ne bougez pas !» Ils voient les serpents se retirer peu à peu, doucement, devant les lueurs, comprennent qu'il y en a peut-être dans leur lit et que le moindre mouvement peut provoquer une morsure mortelle. Les reptiles blottis sous les couchettes ou dans le clayonnage, on s'approche pour visiter avec précaution les malades. Deux ont été mordus, l'un au pouce, l'autre à l'oreille. Ceux-là même sur le lit desquels se trouvaient les serpents tués par Harry Jones. Leurs compagnons contemplent terrifiés leur courte agonie. Des cris de détresse leur échappent de nouveau, de ces clameurs navrantes d'hommes forts et vaillants, dont la vigueur s'est brusquement anéantie. « Emmenez-nous d'ici. Par pitié, Harry. Seigneur Don Blas. Oh, les serpents, emmenez-nous, faites-nous porter ailleurs. » Le docteur intervient de nouveau avec autorité. Pas un geste, pas un mouvement. Dans un quart d'heure, tous les serpents corail seront morts, je vous le jure. Puis il ajoute, s'adressant à Harry, « Vite, vite, une boîte de lait conservé, de l'eau, une grande jatte. » En 5 minutes, la jatte est apportée avec le lait additionné d'eau. Le docteur y jette une bonne dose de poudre blanche et chacun attend, immobile, le cœur battant. Peu à peu, de tous côtés, il voit arriver la tête haute, les horribles bêtes qui sortent de leur retraite. Affriandées par les émanations du lait, elles se dirigent vers la jatte et se mettent à laper avec leur sensualité gourmande. Leurs petites langues noirâtres, fourchues et agiles, s'emperlent du liquide qui glisse le long de leurs lèvres écailleuses. Leur gloutonnerie est à peine satisfaite que de brusques convulsions les saisissent. Leurs corps annelés d'ébène et de corail se tordent, se déroulent et s'enroulent autour de la jatte. Puis les petits yeux d'or se ternissent, les mouvements se ralentissent et les bestioles foudroyées restent étendues, sans mouvement, sur le sol de la case. Il y en a tout compte fait 15 et de belles venues. « Et maintenant, mes amis, reprend le docteur, rassurez-vous, il n'y a plus aucun danger. » Pas un seul, Coralie, on est demeuré ici. Quant à votre maladie, prenez courage. Dans 2 jours, vous serez sur pied, je vous le jure. Et se tournant vers Don Blas, il ajoute « Et vous, Seigneur, vous ferez sagement d'abandonner au plus vite cette demeure. Après le poison, les serpents, vos ennemis trouveront autre chose. Votre vie à tous est menacée, il faut partir. » « Oui, partir, » répond la Sendero, « et le plus tôt sera le mieux. »